L'étrange Violetera par Maurice Renard. Arthur, encore un, tenez, mon cher, encore un qui croit au miracle, au merveilleux. Nous parlions de ça un soir, lui et moi. Je m'étonnais de le trouver hésitant, de ne pas le voir se ranger tout de suite et résolument mon opinion là-dessus. Moi, je disais, bien entendu, « Baliverne !» Mais Arthur hochait la tête, faisait « Et comme je le regardais avec une surprise ironique, il me disait assez gravement « Écoutez, mon vieux, longtemps j'ai été comme vous, longtemps je suis resté convaincu que rien de véritablement extraordinaire ne pouvait se produire dans le vaste monde. Oh, ma pensée ne s'y attachait pas spécialement, non. Je n'étais en aucune façon retenu par l'intérêt que beaucoup de gens attachent à ces questions. Mais enfin, j'avais mes idées. Et mes idées étaient ce que je viens de vous dire. Seulement voilà. J'ai été témoin d'un fait. Et ce fait indéniable m'a vivement impressionné. Depuis ce jour-là, je crois autre chose. Il m'est devenu impossible de le nier. Certains phénomènes peuvent s'accomplir que nos connaissances actuelles sont impuissantes à expliquer et dont même nous ne concevons l'explication qu'en admettant l'existence de forces spirituelles tout à fait inadmissibles par des esprits matérialistes comme le vôtre. Un fait indéniable, répliquai-je, en êtes-vous sûr? Tout est là. Soit dit sans vous offenser, mon cher Arthur, vous n'êtes pas un scientifique. Vous avez pu commettre une erreur, soit en observant le fait dont il s'agit, soit en essayant de découvrir ses causes. Je sais bien, reprit très gentiment Arthur, que je n'ai d'autre science que celle d'un honnête commerçant qui n'a guère le temps de lire des revues ou des bouquins étrangers à son négoce. Pourtant, je maintiens ce que j'ai avancé, et quand vous connaîtrez l'histoire, je ne doute pas un instant que votre scepticisme ne soit tout au moins quelque peu ébranlé. Eh bien, j'écoute, cher Arthur, mais j'espère être en mesure de faire entrer votre phénomène dans l'ordre des choses ordinaires, si toutefois votre récit est exact et complet. Il le sera, fit-il tranquillement. J'ai connu il y a quelques années un vieil homme charmant, M. Noël Sabourier. Il n'était pas riche et faisait lui-même son ménage, son marché. C'est ainsi que je le voyais pénétrer, presque chaque jour, dans mon magasin, portant un cabas de toile cirée noire où il mettait ses provisions. Sa physionomie très douce, ses manières extrêmement polies, la modestie discrète dont il témoignait en toute occasion m'inspiraient une grande sympathie. Il m'était agréable d'adresser quelques mots d'amabilité à M. Noël Sabourier, qui ne manquait jamais de me répondre avec la plus parfaite urbanité et un sourire bienveillant qui demeurait un peu triste. Nous en vîmes de la sorte à engager de petites conversations. De fil en aiguille, M. Noël Sabourier devint pour moi, non pas un ami, mais ce qu'on appelle vulgairement une connaissance. Je me rendis chez eux deux ou trois fois, au temps d'indisposition dont il souffrit et qui l'empêchèrent de sortir, ce qui m'avait inquiété. Porté vers lui par tant d'estime et de plaisance, j'aurais bien voulu le lui manifester davantage et devenir pour lui plus qu'une relation. Je n'osais rien faire dans ce dessein. Si aimable qu'il fût, M. Noël Sabourier demeurait clos sur son passé et sur son âme. À quelques paroles qu'il laissa échapper en des moments d'abandon, bien vite coupés court, je compris qu'il avait joui d'une enfance et d'une première jeunesse favorisée par toutes sortes de bonheurs, y compris la fortune et l'amour. Il me sembla bien aussi que M. Noël Sabourier, sans doute du fait de la guerre, avait perdu jusqu'à la possibilité de jamais revoir seulement le décor de cet âge bienheureux. L'unique point sur lequel il s'ouvrit à moi, plus librement, concernait des violettes. Une épaisse bordure de violettes, le parfum délicieux, profond, pénétrant de violettes, voisinant avec un tapis de lierre, dans un sous-bois, près d'un banc de pierre. Mais puis-je dire vraiment qu'il s'ouvrit à moi de ces violettes et de leur senteur? Il semblait toujours se parler à lui-même, au moins autant qu'à moi, et ses yeux, s'il me regardait, me voyaient moins que je ne sais quelle vision de souvenir. Ce bois, ces violettes, ce banc que je ne pouvais m'empêcher de me représenter paré de deux silhouettes enlacées, l'une adorablement féminine, l'autre ressuscitant la belle jeunesse de mon doux vieillard. Je devinais qu'il goûtait des joies indicibles à la solitude, au silence qui lui permettait d'évoquer pleinement son passé. Une fois, il m'en fit l'aveu, en donnant à la chose un petit tour guilleret et fantaisiste. Une fée, me dit-il, était son amie. Il la nommait Belle Lurette. C'était la fée du souvenir et de l'autrefois, qui le prenait par la main, et l'emmenait ainsi faire de lentes promenades au jardin de jadis dans le royaume de la mémoire. « Je vais retrouver la fée Beldurette, » me disait-il souvent, après avoir écouté bienveillamment mes propos, et les avoir mêlés de quelques remarques fines ou sages, toujours prononcées sur un ton un peu rêveur, un peu absent, comme si, à tout prendre, la fée Beldurette n'eût jamais cessé de tenir par la main M. Noël Sabourier. Parfois, il exprimait un regret. Oh, rapidement. Il l'exprimait en ayant bien l'air de parler tout haut par inadvertance. Et aussitôt, il se taisait, confus de cette distraction comme d'une incivilité. Ce regret dont je parle était toujours le même. M. Noël Sabourier le formulait en employant une tournure populaire qui, je crois, dans son esprit, était destinée à égayer d'un peu de blague l'idée de sa mort, qu'il envisageait sans autre tristesse que celle de ne pouvoir trépasser la même où il aurait aimé vivre toute sa vie. « Quand j'entendrai sonner les clochers de la Saint-Glinglin, murmurait-il, je ne regretterai qu'une chose, le sous-bois, le banc de pierre, les violettes. C'est là que j'aurais tant aimé, fermer les yeux. » Il ne les fermait pas en disant cela, mais on les voyait fixer l'irréalité d'un paysage imaginaire, ou plutôt le cliché, le vieux cliché de la mémoire. Tel était M. Noël Sabourier. Un matin, je m'avisai qu'il n'était pas venu depuis 2 jours faire ses emplettes. Craignant qu'il ne fût souffrant de nouveau, j'allai chez lui à l'heure du déjeuner. Il habitait tout près. Je ne songeais même pas à interroger sa concierge avant de monter. J'étais tout au plaisir de le revoir, d'espérer la chance de lui être utile. Il faisait d'ailleurs ce jour-là un temps magnifique. On était en juillet et le soleil rayonnait, versant sur la ville comme une immense joie. Je montai les étages, et je dus les redescendre pour prier la concierge de venir à mon aide. La porte de M. Noël Sabourier demeurait fermée malgré mes appels. La concierge l'ouvrit avec une clé de secours. Dès l'entrée, je fus frappé par l'odeur des violettes. Un parfum délicieux, profond, pénétrant. Quoi ? Des violettes au mois de juillet ? Est-ce que je rêvais ? Non, non, il n'y avait pas de violettes nulle part. Mais M. Noël Sabourier, étendu dans un grand fauteuil, semblait dormir en extase, les yeux fermés cette fois. Il était mort. Voilà pourquoi, conclut Arthur, je crois maintenant à des mystères qui dépassent notre entendement. Là-dessus, il me demanda ce que j'en pensais. Et si j'étais bien convaincu que le fait était indéniable, puisque lui et la concierge et d'autres encore avaient reconnu la merveilleuse odeur des violettes. Et je lui ai dit que oui, que je baissais pavillon, que j'y perdais mon latin. Je n'ai pas eu le courage d'éteindre la lumière qui brillait dans ses prunelles, ni l'espoir peut-être qui luisait secrètement dans son cœur. Car n'avons-nous pas, presque tous, une ressemblance avec M. Noël Sabourier ? N'avons-nous pas quelque mystérieux désir qu'il est bon de croire réalisable? Et comment, en présence d'un secret aussi précieux et aussi fragile, comment aurais-je osé prononcer les affreux mots qu'il eût fallu lâcher pour convaincre Arthur que par un phénomène rarissime, mais dûment classé, il arrive, mais comment le dire avec élégance, il arrive que la mort, étrange bouquetière, laisse après elle un parfum si suave qu'on croirait qu'elle a semé sur son passage funèbre des brassées de roses ou des jonchées de violettes. C'était L'étrange Violettera par Maurice Renard.